Je te salue sous l'ombre de ces monts séculaires. Arrêtons le temps un instant pour écouter ensemble le silence de ce lieu. Prends une position confortable. Si tu le souhaites, ferme les yeux ou laisse ton regard se porter sur ce paysage majestueux. Devant toi se dressent des masses grises parées de mousse émeraude, gardiennes de la fraîcheur des cimes. Ce rocher est aussi vieux que la terre elle-même. Tu vas maintenant entendre le récit d'événements qui ont pris vie ici même. Sur cette étroite bande de terre, enserrée entre la pierre et le flux de la rivière. Cette légende a 1500 ans, bien que ses racines plongent dans la nuit des temps. Transportons-nous dans un passé lointain, bien avant les murs du monastère, avant les premiers pas des légionnaires romains. Les Celtes olaient ce promontoire d'un mot court, Tan, un sommet aigu perçant les nuages. Pour eux, ce roc était l'incarnation d'une force supérieure. La paroi s'élève là où la gorge se resserre, formant des portes de pierre naturelles. Ici, le chemin du nord au sud devient un fil ténu. Franchir ce passage signifiait surmonter la volonté de la nature. Les peuples anciens voyaient ici un point d'équilibre, un lieu de passage entre les mondes. Ici, la voix de l'eau résonne avec autorité, le vent chante différemment. En restant immobile, on peut saisir des sons cachés à l'oreille dans le tumulte du quotidien. Les hommes apportaient des offrandes. Ils confiaient à l'eau des pièces et des parures, exprimant leur respect à l'esprit vivant de ces parois. L'époque de Rome vit dans ce passage étroit un nœud stratégique. Ici se dessina la voie reliant le cœur de l'Empire aux terres germaines. Les Romains y érigèrent un sanctuaire dédié à Mercure, protecteur des voyageurs, dieu des frontières. Celui qui guide les âmes à travers les seuils. Ils ressentirent la même puissance que les Celtes. Ce lieu est un véritable centre de croisement des destins. Voici l'an 286. À travers le passage étroit s'avance la légion thébaine. 6000 guerriers, l'élite de l'armée, des maîtres du combat aguerris. Dans leur cœur brûlait un feu que les maîtres de Rome avaient ignoré. Ces soldats étaient chrétiens. La foi était leur ancrage. Leurs chefs, Maurice, Exupère et Candide, étaient les guides spirituels de leurs hommes. Maximien ordonna à la troupe de camper ici, à Agone. Sa volonté était dure, sacrifier aux idoles anciennes et jurer d'exterminer leurs frères de foi. 6000 hommes figés dans cet espace restreint. D'un côté, l'ordre du souverain. De l'autre, la fidélité à leur âme. Maurice choisit la loyauté. Ses mots résonnèrent avec calme. Il exprima un refus ferme. Nous t'avons prêté serment en tant qu'empereur. Mais il existe un vœu, prononcé plus tôt, que nous garderons jusqu'au bout. Maximien ordonna la décimation. Les guerriers demeurèrent inébranlables. Ce jour-là, la légion périt tout entière, ici, sous ce promontoire, au bord de la rivière, dont tu entends le murmure à cet instant. La nouvelle de cet exploit se répandit partout. Ce fut le triomphe de l'esprit sur l'acier. Le lieu de la douleur devint un symbole de courage. En l'an 515, on érigea une basilique au pied des monts, fondement de l'abbaye actuelle. Les murs du bâtiment se fondirent avec la pierre. Le roi Sigismond y instaura la louange perpétuelle. Jour et nuit, les psaumes résonnent ici, préservant la mémoire à travers les âges. 1500 ans de prière. Chaque voyageur ressent l'influence particulière de ces lieux. Ici, le chemin se rétrécit. La roche et l'eau imposent leurs conditions. Et en ce point de choix, l'homme se rencontre lui-même. Peut-être les pierres, garde-t-elle l'écho des millions de personnes ayant foulé ce sol avant toi. Cet instant de silence est ton présent personnel. Regarde l'escarpement. Il se souvient de l'enfant celte, du soldat fatigué, du dernier souffle de Maurice. Il ressent la chaleur des mains venues chercher ici l'apaisement. Et maintenant, ce témoin éternel te regarde. Sois simplement présent. Écoute ta voix intérieure. Pense au poids que tu transportes à travers tes propres passages étroits. Garde la réponse en toi. Ressens la pesanteur de cette charge. Et maintenant, imagine que tu la déposes à tes côtés, sur la terre chaude, comme le faisaient ceux qui venaient ici bien avant nous. La terre accueillera, le rocher gardera. Seul le premier visage de ce lieu s'est ouvert à toi. Ils sont légion. Reviens.